Via, via. Fio. Piano, piano, piano, piano, cosa rete? Tu so meglio. Porta fete, chatelaine, amable prete, Commençons. Nous sommes comme le sommeil, mais plus jamais si nous sommes bien dans nos colonnes, mais plus jamais si nous sommes la trompette de Mélien, la trompette de Mélien, et dans la pleine Je suis chamelot du prince, ma clé d'or entre partout. Mon génie est profertile, mon génie est profertile. Et de tout, un homme habile, à mon gré, je viens à bout. Oui, de tout, je viens à bout. Je tiens l'œil de la police et la main de la justice et de plus l'oreille du roi. Je tiens l'oreille du roi. Venez à moi, venez à moi. Ordonnez pour tout service. Ordonnez pour tout service. Je suis là. Venez à moi. Magistrature, ambassade sinecure, Je puis tout vous accorder, ainsi en faveur office, titre, grade, bénéfice, vous n'avez qu'à demander, vous n'avez qu'à demander. D'obtenir tout je me charge, mon crédit à court est large, car je suis l'ami du roi, oui je suis l'ami du roi, si que quand moi tu ne charges, je suis là, venez à moi. Venez, vous, madame, à vos ennuis, aux tendres âmes, je compatis. À vos ennuis, aux tendres âmes, je compatis. Bien Dieu candide, pas vos arides, d'amour avide, que voulez-vous? Et qui soupire, ne savait dire ce qu'il désire, ça n'est plus. Je candide, pas vos arides, surtout je verse ma charité. Venez, j'exerce l'humanité. Venez, le vieux péché, par moi seront cachés. Venez, mes belles, vous qui cherchez, j'offre à Marie croyant, par mes yeux seuls voyant. Et je le ferme pour mettre à terme à vos ardents désirs, à vos soupirs. Et à vos âges, à mes faveurs, les soirées lâches, dans nos seigneurs, les âges, à mes faveurs, à vos seigneurs, à vos seigneurs, à chers seigneurs. Venez donc, sois belle ou laide, levez-vous, je vous excède. Don Gaspard vient à votre aide pour votre nuit. J'ai le remède. C'est à Marie. Je suis là. Je suis là. Venez. Venez. Oh, mesdames, à vos ennuis. Aux tendres âmes, je compatis. Oh, cher Seigneur, à vos ennuis, aux tendres âmes, je compatis. Vierge candide, pas vos arides, d'amour avide, que voulez-vous? Que qui soupire n'a qu'à me dire ce qu'il désire, ça n'est plus. Vierge candide, pas vos arides, sous sous je verse ma charité. Venez, j'exerce l'humanité. Venez les vieux péchés, par moi seront cachés. Venez mes belles, vous cherchez, j'offre à Marie croyant, par mes yeux seuls voyant. Et je le ferme pour mettre en terme à vos ardents désirs. Il n'y a rien que je ne puisse, j'ai de l'œil de la police, plus la main de la justice, qui je suis l'ami du roi, pour tout service, venez à moi, pour toutes les belles, je les marie, séchez les chelles de mes amis, vos privilèges sont de ma main, et je protège les gens vivants, venez, je protège les gens vivants, je vous protège, je vous allège, je vous protège la charité. Châtelaine avec un doux sourire. C'est un coup qui t'a montré le sang de mes yeux. donc, et votre bade en vous dispense, maladroit. La belle étrangère est malade. Pour le chantier, ne peut-on choisir d'autres endroits? Partez! Et dans une heure, devant cette demeure, revenez tous, piano, piano. Pour fêter un personnage, ici hâte son passage, vous honore à Canada. Allez! Don Gaspare, Leone de Casaldi, moi-même. Vous ici, par ma foi, vous êtes sans problème. Débarquer à la cour pour battre un duel et fuir, c'est l'affaire d'un jour. Le malheur me poursuit. La loi n'est pas commode, peine de mort. Mais avec moi, la justice s'accommode. Quel était-vous béni? J'espère le secours de vieil ami de ma mère. Mon saint homme, le confesseur du roi des femmes. Il est à Rome. On l'a pris, mais vous... Elle descend, bougie d'âge, cette belle solidaire. On a la belle issue, l'ange de Nisida. Quoi? Vous savez? Rien. Le plus grand mystère l'entoure. On l'a bénédicée pour ses bienfaits. Son nom est Sylvia. C'est tout ce que je sais. Chut! En prédant, jeune homme. Si ce nom parvenait aux oreilles de Rome, ce mystère à Naples, où ce soir vous viendrez, vous percerez la voile. C'est votre bonne étoile qui vous conduit d'ici. Je pars, vous m'attendrez dans une heure en ce lieu. Cause t'es à m'apprendre? Pour faire sentinelle, ou pour je dois me rendre. Adieu, mon cher, vous restez là. Salut, Don Gaspar prouvera qu'il a quelque crédit. Mais... restez là, Don Gaspar. Restez là. Don Gaspar! Oh! j'espère. Toi qui scelles après ma mère, toi qui scelles ma vie. Non, je ne fuirai pas. J'attends le sort funeste qui m'est promis. Quand tu perds son amour, que m'importe le reste? Pour un cœur sans espoir, et qu'il prie le jour. Vite, vite, qu'il en s'apprête. Leone! Bravo! Vous, mes enfants, de l'allégresse, de la chaleur, de la chaleur! De votre ivresse, de mille cris, frappez les échos! L'enthousiasme de commande, il vous sera payé sans qu'au marchand. Répétez tous, vive le roi! Le roi! Criez le roi! Le voici, criez avec moi! Vive le roi! Ce village, vous devez cet hommage à votre chat Milan, Gaspard. Maladroit! Maladroit! Mon adoré trompé, décidément j'ai du malheur! Le roi! Léon! Monseigneur, c'est moi qui l'ai conduit pour sa folle équipée, ne montre pas trop de courroux! Don Gaspard. Sire, j'ai fait pour vous de la clémence anticipée. Vous avez provoqué, blessé dans un combat, gentilhomme. Il a cité mon père, puis nous de Bavoli. Mon père était soldat. Avec le roi, je rangerai l'affaire. Rendez-moi votre épée. Et vous, justicier, vous répondrez, monsieur, de votre prisonnier.

sentire odorata come Spagna vivota senza brisa Chisciotte dalle si tronie d'or dalle si Spero a tua sacro lusur. Oh, l'inglese, a morte di sapere se creve le sopre, valide l'amor, se parla la mirà, se la paura della sopra. Thank you. tutte nella curone de Naples de Sicile e tole droit sa trone qui sa siège de Rome. Avez-vous oublié que tole frode roi sur l'église plié? Je sais ce qu'un chrétien doit au chef de l'église, et vous savez aussi comment sceptre se brise. Le pape vous ordonne une dernière fois de rompre avec le crime. Enfileur! Par ma voix, il vous parle. Inespérance! Enfin, que voulez-vous? Je sais, Silvia de Linares, bravo le foudre dell'Eglise e monoble priere, na point de vos etarres passer la frontière, je la fais enfermer, sire, je la fais enfermer dans un couvent. A que tu dis, quelle horrible pensée! A que tu dis, quelle horrible pensée! Ces mots d'un sage étant très bon adage. Pour ce bienfait, mon sang nous appartient. Mais bien fait, ce n'est pas du roi seul qu'on les tient. Demandez tous au ciel que la haine se lasse de poursuivre une enfant dont la douce vertu m'a fait juste et clément. Don Gaspard, me suis-tu? Je brûle de connaître. Hop là et là, c'est un vrai coup de maître. Je voudrais je dis à cette terre, pauvre belle sans misère, si j'étais à l'heure, que je l'attends, porteur d'une nouvelle. Enfin, le roi consent, mais partir avec elle, c'est moine à cloître, à Pridon Don Gaspard, son chausson d'Abila. Léone, Providence, faillit vous mener, mon cher, à la potence, mais en faveur de mon attention, vous m'eussiez pardonné cette distraction. Maintenant, je réclame en service de vous. Qu'est-ce donc? Une dame pour Naples va partir. C'est vous qui l'escortez, l'héros et mon galant. Ou combien, j'imagine. Point de remerciement, c'est dit. Vous consentez. Une dame. Une pauvre orpheline, par le roi protégée, et qui va de demain recevoir à la cour un époux de ma main. Serait-ce? Descendez-la sous cette fenêtre. Au mot de grâce. Et quand vous m'y verrez paraître, venez. Comment? Plus tard, auprès le roi, je me rends. Orpheline. Eh bien, comptez sur moi. Oh, justement, la voici. De vous, je viens apprendre quelle sort me réservait. Je vais me résigner et je puis tout attendre. Parlez. Tout est sauvé. C'est un trait de génie, un prodige d'adresse. L'on s'est dira demain, où donc est la comtesse de Linares? Manier, erreur, à croire. Non. Où donc est-elle? À Naples, elle porte le nom de son mari. Qui? Gaspard est habile du pays de l'amour, puisque l'on veut demain que vous soyez banni. Eh bien, je vous exile dans le royaume de Nîmes. Accueillez aimerez-vous sans amour, offrir un cœur flétri. Mais il ne s'agit pas d'aimer votre mari. Pour rassurer la cour de Rome, ce mariage suffira, et de la présence maussade de votre époux, quelque ambassade, aussitôt, nous délivrera. Que le digne marché! Pour un nom que l'on donne, des titres et d'honneur, d'être gratifié, c'est beau. Faut-il que je sois marié? Je suis prête. C'est le temps, ces enfants, pour m'adresser son âme. Dites-lui que mon mépris de ce lâche marché complétera. Tu consens? Moi, je suis contente, me laisser par pitié. Tout est prêt pour la fuite. Tu pars avec lui, non, pour suite. Je lui donne de mon choix un chevalier, très courtois, qui fera la défendre. Ah, j'ai peur de comprendre. Le voici! Sylvia! Parti, Don Gaspard! Par grâce, arrêtez! J'ai tout appris à cette jeune fille. Roi, vous voulez donner l'appui d'une famille. Une fois de blason dont je puisse être vain, mais l'épire un oubli dans ton cœur origine. J'offre un nom de soldat pour la pauvre orpheline. Accordez-moi ça là. Oui, que dit-il? Respire, n'avez point perdu de temps. Merci. Toujours, toujours pour vous servir. Don Gaspard est ainsi. Il prime fort de mon puissant génie. Que d'autres si bien dans ma récompense, je sers le roi mon maître. Et voilà, à présent, j'enrichis ce jeune homme, ah, ma tâche est finie, finie, finie, finie, finie. J'implore sur ma vie et tant encore ton amour brillant, aurore, qui promet un jour si pur. Où rayon viens et colore mon beau golfe au ciel d'azur. Marquis, raisonnable, attendre votre femme, vous avec Don Gaspard. Vous partirez, madame. Bravo. j'ai presse, il faut avec adresse rompre le mariage, oh bien c'est fait de moi. De la cérémonie enfin, l'heure s'avance. As-tu préparé tout? Les lettres de créance de Léone? Non, c'est-à-dire, si, mais il faut les signer. Tu les as? Les voici. Daignez m'écouter. Sire, que veux-tu dire? C'est mariage. Eh bien, n'est-il pas imprudent, inutile du moins, pour sauver la comtesse? Le projet vient de toi. C'est vrai, je le confesse, mais à l'exécuter, j'hésite, c'est pas dans... Qu'entends-je? J'hésite. Quel changement étrange! C'est un mauvais moyen. Jamais je n'ai ma bise. Ah, j'ai craint que cette rive ne vous conduise à rien. Mais c'est ma seule chance et ma dernière espérance. Et réfléchis cette fois combien ce mariage doit vous porter ombrage. Combien vous serez plus sage, plus sage, irai non sais je toi. Oui, mieux vous serez plus sage, irai non sais je supplice. s'accomplisse, qu'il s'accomplisse en ce funeste jour. D'un autre elle sera la femme, d'un autre auquel partage femme. me, je me presse, pour toujours vous appartient. Rien ne peut finir vos jours, liaison tient. Pour toujours, ma belle maîtresse, pour toujours tu m'appartiens. Pour jamais, ta maîtresse, pour jamais, ma maîtresse, pour toujours tu m'appartiens. Pour toujours tu m'appartiens. Marquise, hélas, note et flamboie comme les cierges radieux qui vont pâlir devant ces jolis yeux, si pleins d'amour et de joie. Permettez, je désire être seul à l'instant. Elle est aimable. Pourtant, par pitié, je le souhaite. Quelle grâce est touchante. Surtout, n'oubliez pas que de votre bonheur, c'est moi seul, seul qui suis l'auteur. Eh bien, je parle. Charmante, je parle, elle est charmante. Je ne veux

passive sue. Pur con sacciara, pur con viaggio vus onore, Marquis de Montréal, a vous cet ordre encore. Mais comment va-t-il prendre ce qu'enfant je lui dois apprendre? Et s'il croit d'embarras, j'ai cru voir près de lui le moine s'irmait pas. Tout est prêt, j'ai signé vos lettres de créance. Mes lettres? Vous serez de votre obéissance. Don Gaspard me garant. Sire, dans le jardin tout à l'heure, en sortant, rejoignez-moi. Pourquoi? Sachez vous taire. Don Gaspard, quel mystère! Marquis, n'oubliez pas que votre femme attend. Provence, Salon, Saint-Pierre. Gaspard, en cet estomac voit. Que me veut-il? J'aurais raison, mais non, j'ai mal compris. Prouvez-les-moi, je vous conjure, votre main, mes amis. Chapelle. Ici jouent les autres. Fille, honneur, je prétends me venger. Léone, que vas-tu faire? Il sait le seul, ma peine. Que je fais dans ce jeu? pacte infâme qui l'a rejeté. L'honneur dans son âme s'est donc révolté. Grand Dieu, cet outrage qui tombe sur moi. Mon Dieu, cet outrage qui tombe sur moi. Rougit mon visage. Rougit mon visage de honte et d'effroi. Yeah. nazionale, quando vado nella chance di accadere una nazionale, c'è la sì, c'è la sì, Oh,

ove fino accorsi votra me sciosele. Messo Gesimo fis a tel me pronose, atre le mode chapelle a novice arrivediero se cuvo matto d'ossa selile a novice a la fa povre fleur sur le sol par l'orage abattile chi va morir peut-être. Ah oui, la douleur tue. Maîtresse du roi, la maîtresse du roi, dans l'abîme creusé, sous un piège infernal, ma gloire est engloutie, et de mon triste cœur l'espérance sortira. Près de la porte la terre à ce cœur consumé sur mon froid monastère. Reste toujours fermé, mais qu'apporte la terre à ce cœur consumé sur mon froid monastère. Reste toujours war. Aber mettez-vous prêt. Mon père, à la chapelle, je vous suis. si prêtre. Et malgré moi, descende mon âme inquiète, une terreur secrète. Je fuis loin de l'autel. je fus avisé. Se plaît sa voix jadis si chère, porte trouble dans mes sens. Sur toi, ni lis, Seigneur, disant, ave son cœur par la prière. Ave son cœur par la prière. Oh, Thank you. Sylvia, Dieu, que vois-je? C'est elle. Silence. Friend.